Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau ou ailleurs. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, le vrai spécialiste dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et aussi conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à la Coupe du Québec en vélo de montagne ce week-end à Saint-Félicien. Le restaurant Midas vous invite à venir profiter de l'été et vous offre pour tout le mois de juillet sa nouveauté, le Bubble Tea, à 4$ plus taxes seulement. Le restaurant Midas de Saint-Félicien, c'est une des meilleures poutines au Québec. C'est le poulet barbecue, le poulet frit, la pizza, le bar laitier et les déjeuners. Que ce soit en salle à manger ou pour emporter, c'est le restaurant Midas. Route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas souhaite un franc succès aux organisateurs du championnat québécois de vélo de montagne qui aura lieu ce week-end à Saint-Félicien. En fin de semaine, se déroule à Saint-Félicien la Coupe du Québec de vélo de montagne. Et en ligne, ben, on parle avec le responsable Martin Demers. Salut Martin. Oui, bonjour. Martin, évidemment, si on parlait un peu de la compétition en fin de semaine, à quoi s'attendre lors de cette compétition-là? Ben, c'est sûr que c'est encore un beau week-end de vélo de montagne. Là. C'est quand même une des grosses courses du circuit de la Coupe du Québec. Fait que dans le fond, en fin de semaine, samedi, le 6... On attend environ de 400 à 450 compétiteurs pour le parcours olympique. OK. Donc, ça comprend quand même environ 4 départs. C'est 4 départs dans la journée. Ben, 5 départs dans la journée. En partant par les petites catégories, là, les atomes, les fiouis, les minimes, les sports, les experts, les élites. Fait que, disons que toute la journée, ça commence. Ça fait quoi que le premier départ est à 8 heures. Et monsieur, heures, donc. OK. Donc, ça donne une idée, là. Oui. Donc, c'est pour la journée. C'est très, très, très chargé, évidemment. Comment c'est vu par la piste de la Toboski? Comment c'est vu par les compétiteurs? Bien, donc, c'est sûr que cette année, ça va être vu un peu différemment parce que cette année, on a refait pas mal le parcours de cross-country. OK. Okay. On avait eu une aide financière du gouvernement provincial. Pour faire une mise à jour du parcours. Fait qu'on a commencé à le faire, peut-être un tiers du parcours de rénover. Okay. Fait que, c'est vraiment dans les nouvelles tendances. Des parcours qui sont plus rapides, des grands montées, des sauts, tu sais, un peu qui appellent à l'habilité là, des cyclistes là, davantage. Là. OK. Donc, j'imagine que ça va être un bon test également pour les organisateurs, mais pour les coureurs aussi, là, de voir la première fois. Oui, c'est ça. Oui, c'est un bon test. Là. En plus, ben, on annonce quand même un week-end assez chaud. Oui. Fait que, pour que les gens soient capables d'oser un peu les efforts. Quand même, c'est des parcours qui durent, on parle dans les catégories experts et élites, là, autour de 1h30, là, 1h30, 2h. Fait que, il faut quand même bien gérer son effort. Là. OK. Dis-moi, si on parlait un peu des coureurs locaux ici, est-ce qu'il y en a plusieurs? J'imagine dans les plus petites cases, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y en a On a quand même des bons jeunes. Le club Vélo du Lac, c'est quand même réussi à se remonter une équipe. Depuis plusieurs années, on était en recrutement. Puis, OK. Fait qu'on a des jeunes là, comme des bons jeunes, des bons piouis qui se lancent. Zach Dubois qui se lance premier, deuxième, troisième, des fois, c'est la Coupe du Québec. Parce que Zach devrait être un bon coureur de Saint-Félicien. On a comme Victor Véraud, évidemment. Victor devrait peut-être essayer de remporter la classe élite. On a des bons maîtres aussi. Là. Luc Ménard qui est capable d'aller maître expert à 50 ans et plus. Martin Germain. Bon, on a quand même pas mal de bons coureurs. Et on pense qu'on devrait avoir un bon lot de médailles en fin de semaine. OK. Donc, évidemment, et ça va avoir lieu à Toboski. Ça commence à 8h le matin. Parle-moi un peu du club. Sané, comment ça va les activités du club? Ça va très bien. On a fait un début de saison un peu tardif. Là. On a réussi à mettre les sentiers en opération au début de juin pour une ouverture officielle le 15-16. Vous savez que cette année, en plus, les clientèles est en augmentant beaucoup là, dans le montagne. Oui? Okay. Pas mal de nouveaux membres, oui. Ouais, oui, c'est une augmentation de 20%. C'est énorme, 20%. Est-ce que vous avez de la misère? Je pense que cette année, on va retourner autour de 150 membres là, adultes. Là, on devrait aller vers 200. Okay. 200 membres. Est-ce que c'est difficile de trouver des bénévoles? Parce que 150, 200 membres, c'est quand même pas mal, là, mais ça prend des bénévoles également pour s'en occuper. Est-ce que du côté-là, ça va bien? Oui, c'est sûr que, oui, c'est pas trop facile, mais il y en a, là, il en manque un peu, mais c'est que le club est quand même un club qui s'autofinance, là, avec un peu d'aide, là, il y a une bonne campagne de financement. On a plusieurs employés, c'est sûr que ça se fait pas tout seulement avec des bénévoles, pour ça prend des employés pour, ça prend pour organiser une pareille compétition, ça prend quand même 3 semaines d'organisation. Oui. Hey, dis-moi, tu équivaut à, tu expliques ça comment, une bonne augmentation? C'est-tu les compétitions qui sont à choix? C'est une tendance provinciale, nationale, le montant est à la hausse avec le vélo électrique, les nouveaux parcours, les nouveaux sites, des nouveaux sites aussi, beaucoup de nouveaux sites en province. Les sentiers sont plus faciles, sont moins racineux. Mais là, quand on parle de 20%, c'est 20% d'augmentation Saint-Félicien seulement. Là. C'est pas parce que tu me parles de la manière que tu m'expliques ça, ça a l'air être provincial, mais c'est... Bah, au provincial, là, c'est au moins ça aussi. Là. Vous avez des nouveaux sites là, comme Lac Beauport là, qui ont environ 400 à 500 membres. Ils ont aménagé beaucoup de sentiers, ils ont mis plusieurs centaines de milliers de dollars. Vous avez Jonquière aussi avec le Norvégien qui a investi depuis plusieurs années 200 à 300 000 $ dans les sentiers. Donc, déjà là, l'offre qui est sur le marché présentement pour donner accès aux gens à aller dans la forêt avec un vélo est beaucoup plus grande. Alors les gens ont réussi à trouver, on va dire, chaussures à leurs pieds, là, c'est-à-dire que des sentiers plus faciles, des genres de virages à arcer, qui amènent un peu à amener du plaisir à cette vélo de montagne qui peut-être il y a peut-être une dizaine d'années, on construisait des sentiers très étroits, racineux, très techniques. Alors là, on est rendu plus à construire des sentiers qui sont rapides, faciles, des ascensions en épingle, plus facile encore. Puis là, vous avez l'avenue du e-bike électrique, là, que le montagne électrique. Donc ça aide tout ça, là. Dans l'air aussi. Oui, ça aide beaucoup, puis je pense que d'ici 4-5 ans, on aura une nouvelle vague de vélos de montagne. De vélos de montagne, de vélos en général électriques, qui vont avoir un autre genre de clientèle, peut-être, qui n'avait peut-être pas la forme idéal pour peut-être aller dans le bois, mais qui vont ils vont se faire aider un peu par l'électrique. Donc ça commence samedi matin à 8h. Samedi matin, c'est 8h, donc les gens peuvent voir ça également sur Autoboski. Oui, 8h. Ça dure toute la journée. Dimanche. Dimanche, y a-t-il quelque chose? Oui, dimanche, c'est un plus petit parcours. Ben, c'est un plus petit parcours, c'est plus facile parce que quand même les gens ont eu une bonne journée la veille. C'est un contre-la-montre. C'est un parcours d'environ de 5 à 10 km dans les catégories. Fait que c'est un parcours qui dure à peu près 45 minutes, mais qui commence à 9h30 pour finir vers 14h. Il y a des départs à toutes les minutes. Fait que c'est continuel, là, mais c'est de moindre effort. C'est plus là, des grands parcours. Fait que tandis que samedi, ben, vous avez plus la chance c'est des tours d'environ de 4 à 5 kilomètres, là, en fait, on peut voir encore plus les compétiteurs. OK. Donc, c'est quand même intéressant. Dis-moi, par le passé, il y avait des activités au centre-ville, il y avait une compétition à sprint, il y a tout ça cette année aussi? Non. Donc, on en a fait un peu de ces camps de compétition-là, mais quand on a des championnats québécois ou un championnat canadien, on va mixer ça avec une autre activité sprint. Okay. Mais quand on a un programme double comme en Coupe du Québec, là, les gens ont à faire deux compétitions. Là, fait que c'est un peu la fédération a laissé tomber un peu sur cette formule-là parce que ça faisait une semaine trop chargée. Okay. Les gens arrivent le vendredi, ils vont pratiquer les parcours. Fait que ça donnait pas les résultats à escompter. Puis aussi, ben pour l'organisateur, on s'entend que monter un parcours en ville, là, ça demande encore beaucoup d'efforts. Puis souvent, il faisait pas tout le temps beau. Quand on est en forêt, il fait pas beau, c'est pas trop grave. Mais en ville, là, ça attire pas tellement de monde. Okay. Fait que, ça peut en venir une fois, mais dans un cadre particulier, là, un champion canadien. Ou peut-être que quand il y a des champions canadiens, ben, les gens sont... ça dure sur 3-4 jours, les courses. C'est plus facile. Ouais. Donc, on s'en reparle, Martin, éventuellement. Oui, on vous enverra les résultats aussi. Le responsable de la compétition de la Coupe du Québec des vélos de montagne de Saint-Félicien, Martin Damas.